vache, postiche, petite mèche, loustique, œil vache, bouche sèche, moche, riche, louche, speech, j'entends des voix off qui me disent. Je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Mais j'entends des bof qui me disent. Mais je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Vieux schnock, pauvre cloche, petit schmock, faux terche, grosse miche, pauvre cruche, peau truche, d'autriche. J'entends des bof qui me disent. Mais je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Mais j'entends des bof qui me disent. Mais je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Grosse vache de basse souche, pomme frites, sale, chleu, mouche verte, Jérôme Bosch, j'entends des bof qui me disent. Adolphe, tu que la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est des bluffs. Mais j'entends des bof qui me disent. Adolphe, tu que la catastrophe. Mais je me dis bof. Tout ça, c'est du bluff. Attention finale, attention, Margot, Margot, Margot, remonte ton plumage. Fais-le, catastrophe, bluff. Tout ça, c'est du bluff. J'ai peur. Ah mon Dieu, c'est une nerveuse. Hein? Ah moi, je suis une pointilleuse. Une pointilleuse gratteuse. Ah ma. Ça paraît-tu? Juste à votre regard, vous titillez souvent de l'œil. J'allais dire de Louis. De l'œil. Louis? Est-ce que tu titilles de l'œil? Ah, mais mon Dieu Seigneur, je vous l'avais remarqué, hein? Moi, je suis pas un spécialiste en oco, en ocutilaliris. Comment? Ocutilaliris. Ocutilaliris. Ocutilaliris. Ça veut absolument rien dire, ce qu'on a dit. On peut dire un spécialiste des yeux. Oh! Loco-locas, non? Voyons, comment? Germaine! Sauve-moi du mal! Amène-moi le mot! Coulisse! On va faire appel à la coulisse, c'est rare qu'on la dérange. Coulisse! Elle est où, la coulisse? Coulisse! On a commencé l'émission! Coulisse! C'est, hein? Tout ça, c'est du bluff. Auto! Comment ça, auto? Porto, c'est pétez pas l'ampoule, s'il vous plaît. L'émission vient de commencer, on veut pas que la radio explose. Un porto, deux porto, trois porto, je suis un vrai poteau, je suis un vrai poteau. C'est pour ça que les chiens viennent se soulager à mes rames. Hey, heureusement, je l'ai pas en bois, quoi. La jambe, oh mon Dieu. Hey, sinon, là, elle serait pourrie. Et quand la pourriture commence à prendre là-dedans, hein, ça ramollit. Puis là, ben, quand c'est ramolli, hein, ça s'écale. Du bois qui s'écale, tu sais. Connais-tu ça, toi, l'environnement du bois? Ben oui. Je suis un bois colique. Oh mon Dieu, un bois colique. Tu connais les bucoliques? Oui. Tu connais les alcooliques? Oui. C'est un homme à la mer, un amalgame de tout ça. Oui, c'est pas un homme à la mer, là. Toutes mes pensées dérivent vers des sentiers un peu trop couronnés d'absurdité. Ben, c'est merveilleux, ça fait des bonnes émissions. Ben, je ne crois pas. Attention que personne ne bouge. Oui. OK. Ben, on n'a pas encore bougé, là. C'est juste la mâchoire. La mienne, elle s'articule à travers toute une stratégie buccale. Ah, mon Dieu, c'est... Méchante stratégie. Ouais, je ne sais même pas vers où elle s'en va. Là. Ça monte, elle descend. Ben, ça fait des va-et-vient. Ah, J'ai jamais vu ça de même, moi, là, là. Ça, va des, ça fait des va-et-vient. Ben oui, est-ce que tu connais un peu ta mâchoire? Légèrement, oui. Il y a de l'ossature, oui. Il y a de la friture, ça, c'est quand tu parles, oui. Est-ce qu'il y en a actuellement? Ben non, parce qu'il y a une qualité sonore exceptionnelle à Aéro-Canadienne. La console est d'un concessionnaire des plus reconnus. Michael Jackson a posé le doigt sur la F3 et il a pris feu. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui « Feu Michael Jackson ». Ah, mon Dieu, personne ne la savait. Ben non. C'est sur cette console-là que James Brown, oh mon Dieu, James Brown a fait son grand succès « Fabulous ». Fabulous? Fabulous. Non, c'est pas lui, ça. C'est qui? James Brown. Ben oui, mais il n'a pas fait « Fabulous ». C'est pas lui, c'est Claude Dubois. Ben, c'est pas vraiment James Brown. Ben, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est. Ben, moi, je vous dis que oui, je suis un musicologue. Bon, un autre. Tout ce qui finit en log, là. Ouais, je suis pas très logué. Non, t'es pas catalogué. Ah, oui. Regarde, alinéa 37, page 64. Attendez, prenez votre cahier. Oui, attendez ici. Alinéa 34. Oui, je suis catalogué. Déficient. Ici, là, attention, ici, c'est écrit noir sur noir, là. Mais c'est pour ça qu'on voit rien. Ben, moi, c'est du braille, là. Et là, tu taponnes. Ah oui, touche la feuille, là. Touche. Vas-y. C'est une maladie inconsciente de l'esprit qui débute tout d'abord par un micro ouvert. Oh, un micro ouvert, pas un micro. C'est en braille. Écoute, c'est en braille. Moi, je sais lire le braille. Bon, un autre cinglé. Bon, alors, micro ouvert. Pendant 120 minutes d'irréalité, préparez-vous, défaites votre ceinture de sécurité. J'ai eu peur, la ceinture, parce que moi, je n'apporte pas. J'ai trouvé une façon de vivre heureux, oui, avec des bretelles. Ah, oh, mon Dieu, pas des bretelles. Il me semble que ça fait vieux pour vous, les bretelles. Ben oui, quand tu commences à me vous voyez, c'est... Attendez, je continue le braille. Un gros tambour, il va avoir une maison de radio. Si c'est un urbain lieu, vous ne fermez pas la radio. Si vous voulez, vous allez... OK, c'est ici. Vous le reconnaîtrez à son rire forcé. Mais voyons donc, on a déjà forcé des portes ici. On a forcé le calembour. On a forcé la métaphore, mais on n'a jamais forcé le rire. On disait quand on riait, c'était une excitation du cerveau. Non. Non, ça, c'est le bâillement. C'est un coup de vent. Un coup de vent au niveau de la matière grise. Ah, mon Dieu! Moi, c'est plus très gris, c'est rendu noir, foncé, là. Ça fonce vers le ridicule, oui! Et ça court vers la réussite. La réussite! Ben, je ne sais pas quelle sorte, là. Je l'ai pas encore... Il n'y a personne qui a évalué quel stratagème que prendra. Pourquoi tu as une voix branlante? C'est parce que j'aime bien ça. OK. Ça me donne un style, oui. Tout à fait particulier. Ben, effectivement. Et ça me prépare pour mes vieux jours lorsque je ferai des émissions de radio avec mes consoles à Humble et en numérique. Parce que ça ne sera plus en numérique là, d'ici quelques années. Là. Ben voyons donc. Non, ça va être en 3D. La radio 3D. Bon, un autre. Ben oui, le son 3D, Surround Digital Dolby Vision. Oh! Toute une belle récréation. Mais là, déjà là, on peut me voir. Ah, ben c'est ça l'horreur. On peut me voir me mouvoir. Oh! Et vous-même, vous pouvez être ému. Ému. Ma lunette a cogné, mais ému. Oui, comment ça, ça cogne demain? Ben, j'ai de la grosse lunette, moi. C'est gossé avec du bois de babiche. Hein, voyons, c'est quoi de la babiche? Oui, la peau de vache. Ça, c'est ce qui me sert de verre, hein, de d'écran. Tu connais rien là-dedans, toi, de lentille. Ah, oh, mon Dieu, c'est de la babiche, ta lentille. Oui. Comment tu fais pour voir au travers? Ben là, c'est vraiment poli, très poli. On dit, ah, tu es gentil. Puis là, il dit, merci. C'est poli. Touche-y. Merci beaucoup. Ah, c'est-tu poli, hein? Touche encore. Merci beaucoup. C'est poli. Ça dit merci beaucoup. Hey, c'est un malade. Non, hey, dites pas ça comme ça, hein. Soyez un peu plus enveloppant. Enveloppant. Dites pas trop la réalité ici, là. Ça n'a pas sa place. On aime bien les fleurs métaphoriques. Ah, mon Dieu. Les hallucinations sonores. Ah, Seigneur. Puis la musique tout à fait débraillée. Ah, arrêtez de bailler, Mme Thibodeau. On n'a pas dit ce mot-là. On a dit brailler. Brailler. Ben, braille. C'est comme tout à l'heure. On lisait le braille. Brailler, c'est du même, c'est la même consonance. Ah, oh, mon Dieu. Il y a de la sonance là-dedans. Oui, t'as pas pensé à la personne oui. Ne bouge. Ben là, on bouge pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte à la blonde. Il y a pas de. Il y a une rousse. Elle est superbement habillée d'un cheveu rougeâtre. Ah, ben ouais, c'est pas. Ouais, c'est refait, ça. Hein? C'est pas votre vraie couleur, madame. Ah, non. Ça n'a pas été réussi. Ah, non. En êtes-vous fier? Ah, non. Est-ce que les voitures s'arrêtent lorsque vous passez sur le trottoir? Ah, oui. Ah, vous aimez ça pour ça? Ah, non. OK. On n'a pas tendance à vous prendre pour une péripatéticienne. Pardon? On n'a pas tendance à vous prendre pour une péripatéticienne. Une péripatéticienne. Non, je ne suis pas une Française. Ah, ça, on le sait. On le sait, parce qu'une Française, ça ne comprendrait absolument rien ce que je dis là. Une péripatéticienne. Oh, monsieur. Vous me traitez des noms? Ah, oui. Ah, non, non. Dites pas ça pour me faire plaisir. OK. Est-ce qu'on y va avec les feuilles? Mais amène-la, la feuille. On est le 10, nous sommes le 10 février. Nous sommes heureux. Oui, comme la balade. La balade. Monsieur le Président. Monsieur le Patron catholique. Mesdames les voluptés. Il y a bien du cordage là-dedans. Hey, aujourd'hui, on fonctionne avec sans fil. Puis ici, effectivement, c'est pas sans fil S-A-N-S, c'est sans fil C-E-N-T. Pas de bon sens d'avoir autant de fils ici. Là. Qu'est-ce que c'est que ce cordage-là? On n'est pas en navire, là? Est-ce que ça existe des navires sans fil S-A-N-S? Ben, j'ai jamais vu ça, là. Quand on dit « lancer le cordage », non, c'est pas lancer le cordage, c'est tirer le voilage. Tirer le voilage! Ah, oh, mon Dieu! Dévoiler le passage et laisser frayer la chose! Et même l'eau voudrait pas rester là. Ah, ben c'est ça, c'est de là que vient le terme cale sèche. Je sais pas cale sèche. Il me semble que c'est à l'arrivée, là. Je connais absolument rien dans les navires, les bateaux, là. J'ai le mal de mer, là. Je regarde juste ma. Quand je vais uriner de l'eau, oui. Ça me donne un mal de cœur totalement épouvantable. Je pensais que vous êtes. Non, je vais pas dire ça. Non, nous sommes à CKRL, une radio qui a de la tenue. Devant un animateur qui n'en a pas vraiment, là. Quoique, en camisole, les gens ne nous voient pas. Non. Avec un problème. Qu'est-ce que tu allais dire? Un problème. Oui, OK. Monsieur le Président, vous allez-y avec votre problème. Messieurs les patrons catholiques, Madame les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, le court-circuiteur de réalisme rénal de Le Néant. Gagné. Oh, monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne sort rien? Hein? Mais on sort pas d'ici. Non, non, on ne sortira pas d'ici. À quoi bon? Attention que personne ne bouge. Merci, monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? J'allais dire si une personne ne bouge. Hein? Vous avez peur, madame? Vous pouvez partir. Ouvrez la porte. Eh, barré. Comment ça? C'est qui a barré la porte, là? Si quelqu'un est pressé pour aller au Water Rosette, pensez-vous qu'on va faire ça dans le coin, là? On n'est pas désobligeants à ce point-là, quoique on est chez M. Gagné. Oui, merci. Dans son studio privé. Très privé. Très, très privé. Tellement qu'à l'entrée, il y a un digicode. Un quoi? Un digicode. Ah oui, un digicode, oui. C'est un clavier sur lequel on doit entrer un numéro de série pour pénétrer dans ce studio. Hey, c'est pas facile à pénétrer. Je suis pas un garçon facile, moi, monsieur. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Ça, il faut le dire à tout le monde. Pour les divulguer aux extraterrestres. Oh oui, on bouge. Qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant l'engagé, Rénal Gagné. Et pour la dernière fois, nous rencontrerons mon ami Chloé Mon. Aujourd'hui, le vendredi, excusez-moi, j'ai eu la babine qui est descendue trop rapidement. Je fais de la... Comment t'appelles ça? De l'éducation buccale. Puis, j'en ai encore à apprendre. Aujourd'hui, le vendredi 10 février 2012, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes libres. Il y a une jeune fille qui m'a dit tout à l'heure. Vous parlez trop vite. Comment ça, vous parlez trop vite? Venez-vous d'un autre pays, vous, là, où le français n'est pas votre langue première? Vous parlez trop vite, on comprend pas. Pas besoin de comprendre. Je mime. Regardez votre radio, là. Ouvrez les yeux. Regardez-moi, là. Est-ce que vous voyez dans votre radio? Non. OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes. C'est bon. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la rougeole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Ils l'ont tué, la rougeole. Ça gratte. Pas de direction là-dedans. Des poules pas de tête. Qui s'imagine diriger ça. Je réfléchissais à voix basse. Ouvrons, oublions, arrête d'ouvrir. J'ai tendance à m'ouvrir, moi. Oui, ça sent. Oublions les embarras familiaux. Je suis très hygiénique, c'est vrai, madame. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse et comédienne Chloé Mons. Chloé Mons habitait l'île... est née à Lille en décembre 1972. Pour faire rapidement, là, en 2009, elle écrit, compose et autoproduit son deuxième album solo, Par la rivière, opus qu'elle définit comme punk country. Et elle jouera seule en formation réduite. Rapidement. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici? Oui, la musique, merci. Il était bien beau, le plafond de ma chambre. Et peinturé en blanc. Je me suis aperçu que j'étais dans ma chambre. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je n'ai de rêver, yeah, yeah, yeah, yo, yo, yo, yeah, yeah, yeah. Je n'ai de chanter, yeah, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yeah, yeah, yeah. Bah oui, mais c'est ce que je veux, c'est rien de préparé d'avance, c'est tout est... Très bien. Et voilà. Et donc, le premier album, tu l'as conçu comme ça, toujours en... Le premier? Oui. Oh, ouais, pareil. Mais pour faire un premier album, on dit que tout est dans le premier, après ça, on... Oui, c'est une genèse. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose de comme ça. OK. Il y a tout... Alors, avec toute l'innocence d'un premier disque... mais c'est vrai que l'élan, l'énergie, elle est là, ouais. Est-ce que tu crois revenir au cinéma, à faire des films? Oui, ça arrive, c'est bien. Mais bon, moi, je peux pas décider la place des réalisateurs ou des productions, donc je préfère pas y penser. Puis quand ça arrive, c'est cadeau. Est-ce qu'il y a un clip qui va sortir de ce disque-là? Mais il y en a déjà eu un et il y en a un deuxième qui arrive. OK. Ouais. Mais le disque vient tout juste de sortir, ouais. En mai? Oui, en mai, ouais. OK. Est-ce qu'il est disponible au Québec? Je sais qu'il est disponible par téléchargement, en zip. En zip, mais pas ouais. En... Pas en physique, peut-être pas. Ouais. Ben, le monde moderne, je sais pas, ils décident que ça n'existe qu'en zip. C'est de moins en moins courant. Hein? C'est ouais, bon dingue. Hein? C'est la fin d'une certaine époque où on pouvait toucher, regarder les photos, c'est insupportable. Les textes. Mais... Non, mais moi je pense que des artistes comme moi, on continuera toujours à fabriquer des objets. Ah oui? Ah ouais. Même de façon, même si c'est marginal, même si c'est pour les amis, même si c'est pour vendre au concert, mais il faut un support, faut pas rêver. Mais est-ce que le premier album est disponible encore? Sur mon site, le premier album. OK. Les autres, les deux... Les deux autres, non, on peut les trouver. OK. Et Par la rivière et celui-là, on peut les trouver. Mais Chaîne Nassel, que mon site, il a jamais été distribué, Chaîne Nassel. C'est quoi, j'aurais dû te ramener. Non, mais je vais le voir, la curieuse, sur Internet. Ben ouais. Tout est disponible sur Internet. Oui, c'est vrai. Et là,

Focola para las amantes, mami Maurice. Look at this hide inside your temple. It's just like the inside of the brain of any one man. And can you make things this future me? Will? Me! Shun! Me! Dimension! Me! Dimension! Elle se la pète, la Patty. Elle se la pète et elle est Patty. Patty, Patty, Patty. Elle est partie, la Patty Smith. Ah. Sur le Québec, Iron, the Eastern, Western, et plein American. Resserrez les reins et baissez les dents. Oui, comme ça. Combien de temps nous devons baisser les dents et rafraîchir les gants? Pardon? Oui, on a compris, mais c'est pas ça qu'il a dit. Ben, j'ai trop bien entendu, oui. OK. Oui, c'est une oreille universelle. Oh, mon Dieu! La meilleure oreille au monde. Oh, on n'a pas le monde qu'on avait? Ah non, plus maintenant. Hein. À une certaine époque, là. Ouais, moi, je vous dis, dans les années 70, oui. 71, oui. 72. Allez-vous toutes les nommer? Non. Non, attendez, 71, 72. 73. Oui. 74, hey, monsieur, l'émission dure 2 heures. Oui. Oui, je vous l'ai nommé. Nommé, non, je vais passer énuméré entre quand et quand. 71, 72, 74. Oui, vous l'avez dit. 75. Oui. 76. OK. 77. OK. Avez-vous des choses intéressantes à nous divulguer? 78. Oui. 79-80. OK. Jusqu'en 98? Non. Non. 71. Hé, hey, là, lâchez-moi ça. Hé, hey, on va vous la péter. Comme Patty Smith. Comme Patty Smith. Bon. Là, ici, maintenant, êtes-vous certain? Très certain. Mais t'es si bonne qu'elle? Non, pas vraiment, non. Là, il faut passer des épreuves pour être comme Madame Patty Smith. Comment on fait? On se la pète. Et vers le bas ou vers le haut? Vers le milieu. Là, hein, comment, excusez-moi, allez-vous me lâcher la babine? Non, ils ont dit les dents vers en bas. Hey! Là, ici, maintenant, vous avez pas entendu? Hey, Germaine, amène-moi ça, là, dans un coin profond, dénué de lumière et de son. Non, mais vous venez m'enlever de d'ici? Oui. Je suis capable de faire des émissions aussi. Ah, ça, on n'en doute pas. J'ai un langage, mais j'ai un vocabulaire. Oui. Ça a bien l'air qu'elle a un vocabulaire, hein? C'est votre. Ouais. Là, non, je peux pas parce que. Non, il y en a d'autres qui sont comme moi. Ça, on le sait. On le sait qu'il y en a d'autres qui sont comme vous. C'est ça qui me chagrine. Hein? Vous avez pas ça, les gens qui sont autrement que vous? Oui. Et voilà, c'est moi, ça. OK. Là, ici, maintenant, on commence à l'aimer, hein? Mais merci. À 71! Ah, non! Là, ici, maintenant. Non, c'est à 60. Hé, moi, Saint-Aban. Hey, voyons. On va passer de la musique, puis on va y régler son compte. Tout à fait, non, tout à fait dans l'amour universel. Non, 70. Hey, vous avez 3 micros, OK? La rouge, vous bloquez ça. Non, c'est 77. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Coupe. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Resserrez les reins et baissez les dents. C'est ce que j'avais compris, hein? Ah, mon Dieu. OK, là, le titre. Qui ouvre? C'est elle qui ouvre elle-même sa pitouche. Ah, mon Dieu. Vous êtes capable d'ouvrir ça, vous? C'est pas compliqué, c'est écrit. Rouge, bleu, vert, OK? Oui, c'est la rouge. Regarde le bonnet du micro, il est rouge. Savez-vous que des animateurs, ça a pris des années avant de comprendre ça? Oui, mais pas moi, parce que j'ai des droits universels. On n'a rien compris. Tant mieux. Alors, merci. Restez plus loin, là, puis écoutez-nous. Vous êtes drôle, hein? Oui, dans le sens de bizarre. Oui, c'est ça. OK. première phrase. Ils ont tiré la sonnette, les deux frères. Ils ont tiré les fenêtres. C'est pas les fenêtres. Moi, j'ai tiré. Mon passé sous des draps bien salissants, c'est le temps de les nommer les draps. Ils ont nommé les histoires peu réduisantes d'un passé jamais effacé. C'est un succès, ça. Excusez-moi, je suis en train d'étouffer. On l'a entendu, hein? C'est comme si... Le soir était noir, c'est comme si la vie était gris et morte. Bukowski, il est parti, heureusement, derrière sa bouteille de whisky. Oh, ouais, c'est le temps de la presqu'i. Oh, oh! Là, les frères étaient devant la sonnette. J'imaginais que c'était comme un serpent, cette affaire-là. Là. Que ça allait monter, la sonnette, là, monter, puis sonner elle-même. Là, on leur a dit, c'était pas des brillants, ça. Là. Et, ils étaient six frères. Mais là, dans l'histoire, ils sont combien? Ils ont tiré la sonnette, les deux frères. Les deux, ils étaient deux, là. Mais les six ensemble, ça en faisait même pas un. Ah, imaginez-vous deux. Imaginez-vous deux. Ben, je vois deux, moi, là. Non, c'est dans votre tête. Ah, mais c'est où, ça? C'est Gertrude, c'est où? Tête. Ah, non, c'est terre. C'est-tu terre? Non, regarde-moi ça. On a parlé d'eau tout à l'heure, là, de cale sèche, de navire, d'eau. C'est pas le temps de dire terre, là. Mon éther. Alors, les deux étaient là, aussi insignifiants qu'un morceau de poteau. Poteau dans le sens de droit et d'inutile. Quoi que les poteaux, des fois, amènent la lumière. Eh, c'est vrai, ça, on appelle ça des torches. Oh! J'en connais beaucoup de torches. Oui, il y en a qui coûtent cher. Oui, il y en a, là, c'est cloué, c'est un peu moins cher. Mais quand c'est planté, là, plus c'est profond, plus ça coûte cher. J'en connais un, si vous habitez-vous Québec, vous? Oui, moi, c'est la ville. La ville de Québec? Oui. Oh! Limoilou, vous connaissez? C'est à Québec? Ben oui, Limoilou, c'est l'endroit de prédilection pour tout peuple voulant connaître cet endroit aussi exceptionnel. Qu'est la ville de Québec? OK. Alors, donc, à Limoilou, sur la 3e avenue, OK, près de la 4e avenue, oui, il y a un poteau. À côté de CKRL. Ah, mon doux. Ce poteau-là, là, c'est le plus profond de la ville de Québec. Hein? Comment ça, dans les livrets, dans nos bibliothèques, on dit pas ça, là, dans le troisième étage, là, les archives? Ben, hey, si on commence à divulguer des sources aussi importantes que ça, l'anarchie va commencer à s'immerger dans la ville. Ah, oh, mort. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Couchez. Donc, si vous regardez le poteau, il est tellement ancré dans la profondeur qu'il touche au noyau. Mettez la main. Ben là, pas tout le monde, là, parce que il tiendra pas le coup, s'il vous plaît. Vous pouvez aller prier, puisque nous sommes directement reliés au noyau, donc vers le ciel, puisque ce qui est intraterrestre monte vers les cieux. Ben voyons. Ben oui, ce qui descend monte encore plus fort vers un rayon universel. Oh, mon doux! Et ce spectre exceptionnel vient en vous sans que vous le sachiez. Hein? Ah, ça, j'aime ça. Non, ça, vous prenez même pas connaissance de ça. Ah, le cerveau rentre dans une autre dimension. Ah, non! Il se déconnecte de la réalité. C'est une émission de radio, ça. C'est rentré canadienne. Ah! Et il se replace autrement. Aucun scientifique peut encore aujourd'hui, vous mentionnez le calcul mathématique de cette disproportion cérébrale. Ah! Ça, c'est à cause du poteau à côté de CKRL qui plonge dans le noyau. Touché à ce poteau-là, il risque de brûler votre main si vous restez au moins 30 secondes la paume sur le bois. Ah! Et vous resterez comme hypnotisé, ancré. Vous ne pourrez plus retirer la main. Ah, ça fait peur. Ben non. À ce moment-là, priez Rénal Gagné. Oh, il arrivera, il descendra du poteau. Hey, c'est un malade. Non. Quoique, il est universel, donc il peut arriver de partout. Et de partout, pas de partout. Ah, oui, oui, oui. Il descendra et vous enlèvera en vous donnant un coup de pomme dans le front. La pomme, ben, la pomme de la main, dans le front, pour que vous décolliez. Ah, mon Dieu. Je peux le perdre? Perdre quoi? Le collier. Non, ben oui, mais décollier, mais peut-être, on ne le sait pas. Mais si vous en portez un? Ben oui, oui, parce que ma femme a vu qu'on a perdu notre chien. Ah, mon Dieu. Et je porte son collier. Regarde, c'est écrit, regardez, c'est écrit Fido. Hein, c'est vrai? Est-ce que c'est votre prénom, Fido? Non, moi, c'est Georges. Oh, Georges Fido? Non, Fido, c'est le nom de mon ancien chien. Puis votre femme? Ah, ben elle n'a pas de collier. Pourquoi? Ben c'est parce qu'elle veut que je porte celui de notre ancien pitou. Oh! Et je fais à peu près comme lui. Ah, ça, c'est ses idées un peu extravagantes, là? Ben je pensais que tout le monde faisait ça. Oh non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que ce soit la. Ben pourquoi? Ah, ça, je ne sais pas, là. Il faudrait aller consulter. Attendez. Il faudrait aller consulter peut-être un professionnel. Oh, de la santé! De la santé, il faut sans doute. En psychologie? Moi, je placerais ça plutôt en sexologie. Alors, le titre, c'est Le meurtre de Roman. Attention, Le meurtre de Roman Vasquez. En sexologie? Ben oui. Le collier? Oui. Le chien? Comme le sauveur portant sa croix vers la colline, check le loser qui traîne son vieux Fender tout en ruine. Camarade, ce déchet humain, c'est ce qu'on appelle un musicien. Être de bruit, d'incertitude et de misère. Toute la semaine au milieu de l'eau, cause insalubre. Ces malheureux doivent trinquer leurs ampliatures. C'est pourquoi les oreilles des musiciens s'illeront à jamais. Ils ne connaîtront plus jamais le doux silence. Ils empilent les uns sur les autres, ils font de la route dans des trocs loués chez les garés ou virotent leurs sacs pleins de linge qui pue. La pierre et la sueur, ça les tue dans ces camions nauséabonds. Ils ont mal au cœur. Leur show commence, tout le monde se pousse la piste de danse. Les spots d'en face, les pauvres artistes cuisent sur place. Et ils s'entendent à peine chanter, ils crient comme des porcs égorgés devant une foule indifférente. Abonne-toi, grosse! Oh! Abonne-toi, grosse! À fin du show, c'est pas le repos qui les attend. Faut serrer le stock, remplir le troc, collecter l'argent. Mais le gérant peut pas les payer, il y avait moins de monde, qu'est-ce qu'on dit? Le pauvre Zipit, c'est la faillite qui le menace. Après là c'est le temps, leur faut bien rendre. Prêt à l'hôtel, mais souvent nous, plusieurs groupies leur collent aux semelles. Les artistes dans ces circonstances mettent leur santé chancelante dans la balance. Faut-il être dévoué pour oser braver tant de verbes? Allez!

Comment ont-ils vécu? Comment ont-ils été morts? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Lost lovers and cold-blooded killers. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. To shut down all those screaming monkeys. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. When a bank's blown up for big money. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. It has to be Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, je pensais pas. Madame, ça finissait pas comme ça. On devait peut-être... avons-nous... On y va? Non. Parce que sinon, on pourra pas. Oh, on pourra pas quoi? Aller plus loin. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, passons en garde à vue le mot ou le verbe. Avant 43, avant 2043, restez là. La belle bois dormant a fermé les écoutilles. Mais le château symbolique est libéré avant 2043. Libère. laquelle de mes plusieurs sera à même de la sauver. D'ici là, je l'ai. D'ici là, j'attendrai. La réveillez pas, laissez-la. Réal? Non. J'avais fait le gag, mais je me rappelle plus dans quoi je devais m'enchaîner. Là. Oui, Réal. Non, Réal. Est-ce que Réal? Non. Et cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons et plucherons. Mais j'ai un blanc. Oh! Un blanc parmi les blancs? Moi, c'est un blanc pâle. OK, ça, c'est affreux. Très. Oui. Regardez-moi ça. Là. Ah! C'est pas beau! Non, c'est pas. C'est comme du lait. Ah! J'haïs ça, le lait, moi. Ah, boire un verre de lait. Faudrait rajouter de la poudre chocolatée. Oh, t'aimes ça? Ah, j'aime ça, moi. Extra poudre chocolatée. Et là, vous le touillez, OK, votre verre de lait. Vous touillez votre mixture. Pour le mélanger, vous attendez 10 à 15 minutes et le chocolat, la poudre chocolatée, déjà diluée, va descendre vers le bas. Ben moi, ça descend vers le haut. Ouais, c'est oui, vous, parce que vous êtes étrange. Je cherchais pas à comprendre. Oui, mais c'est vos ondes. Ah, oh, mon Dieu. C'est quoi, RL? Ben j'écoute tout le temps, c'est quoi, RL? Vous avez changé de micro? Oui, OK. Oui, j'écoute souvent, c'est quoi, à chaque fois, c'est quoi, RL, hein? Puis j'ai mis ça dans ma chambre à coucher. Oui. Dans ma cuisine. Oui. Dans mon salon. Oui. Et dans mes toilettes. Dans ma toilette. OK. À l'intérieur de la toilette? Non, c'est juste à côté de la douche. Oh! Et c'est pour ça, je crois, que les ondes font comme allô. OK. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Alors, allô? Allô, oui. Et en tournoyant les ondes, là, ça fait virevolter mon chocolat. Ça descend vers le haut. Ah! On n'avait jamais vu ça de même. Ben oui, mais on apprend tous les jours. Hein. Cette semaine, nous mangerons, squeezerons, éplucherons des abirons et lèverons à bras de mots celui-ci. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « sauter ». Oh, ben sauter, c'est une émission sautée, oui. Disjoncté. Oui. extrapolons là. Oui. Offrons-nous la vérité. Ah, ben là, comment doit-on s'y prendre? Ah, ben c'est assez simple. Oui. Vous restez calme, oui. Est-ce qu'il y a un réel ici? Réel, non. Est-ce que ça l'est... Ah oui, c'est peut-être ça la réplique. Non, mais c'est la réalité. Oh, réel, réalité. C'est pas ça que j'avais vu, non, la première. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'ou... Est-ce qu'il y a un réel ici? Non, je sais pas, je sais pas. Oui, mais il a déjà répondu. Ben, il répond sans qu'on lui parle. Oui. Alors, sauter, ben oui. Et quand je fais mijoter ma betterave avec ma soupe au chou, ma conjointe me dit « Fais-les sauter! » Fait que là, je prends mon fusil. Vous savez, ma courte pointe, là. Hein, courte pointe? Ben oui, avec un bec coupé. Tu connais pas ça, toi, les pistolets? Non. Les fusils? Non. Les mitraillettes? Non. Les armes criminelles? Non. Ce qui peut faire péter quoi? Ben, péter le plomb. Le plomb de? Ben, de ce que tu mets, du missile. Oh, mon Dieu, ouais. Je suis un aventurier. Oh, mon... au niveau? Au niveau crininel. Oh, crininel. Moi, j'aime bien la criminalité. Oh! Pourquoi? Ben, parce que ça fait peur. Oui. C'est comme la nuit. Oh! Quand il fait noir... Il fait pas clair. Oh, c'est pas clair, hein? Non, c'est pas clair. C'est sauté. C'est très sauté, ça, là. C'est comme... comment t'appelles ça? Donc, la mijoteuse. Ben oui, la mijoteuse-batteuse. Si vous la fermez à peine, lorsqu'il reste un petit trou vers l'orifice, là, vous allez entendre un joyeux sifflet. Est-ce qu'on peut entendre le sifflet de la mijoteuse? Voilà, comme ça. Et si vous vous présentez pas devant votre mijoteuse... Elle risque de faire comme l'oiseau. C'est envolé, moi jamais je la retrouverai. Si tu la trouves pas, là, tu risques de... Ben, lorsque tu tomberas à la renverse, histoire de vous évanouir, comme tous les grands cuisiniers de ce monde qui n'arrivent point à réussir leur recette. Ah! Ils tombent vers le derrière. Là. Et vous allez voir votre mijoteuse au plafond qui se tient, qui se cramponne aux luminaires. Ah, man. Ben oui, parce que la chaleur attire la chaleur. Oh. Ah, c'est pas fou ce qu'il dit là, lui. La chaleur attire la chaleur. Ben, depuis quand je dis des foleries? Depuis 7 ans? 6 ans? 5 ans? 3 ans? 2 ans? Maintenant? À louer? Achetons-le maintenant! Oui, mais c'est sauté, là! C'est cassé! C'est hors de la portée de la fonctionnalité! Oh! Si je me le procure, je crois que je me ferai avoir. Ah, oh, ben là, dans la vie, on se fait avoir régulièrement. Ah, oh, mais ça, c'est totalement vrai. Et c'est tellement la vérité, ce que vous dites là, monsieur... monsieur qui? Monsieur? Ah! Oh! Monsieur Grenier? Hey, monsieur, vous êtes de bonne humeur, monsieur Grenier? Oh, OK. Allez, plus de bonne humeur que ça, moi j'appelle ça de très mauvais augure. Vous êtes de mauvais poils? Oh. Je crois qu'on va passer un autre appel. Hein? Oui. Madame Boisclair. Madame Boisclair? Madame. Monsieur Thériault, Monsieur Thériault? Oui. Monsieur Thériault, ça va? Oui. OK. vous écoutez Rance Rénaldienne? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre d'émission-là? Oui. Qu'est-ce que vous faites présentement, monsieur? Êtes-vous dans une certaine une enveloppe là intellectuelle, comme un peu l'émission en ce moment, là? Oui. OK. De quelle façon ça peut se comprendre, là, cette métamorphose entre vous et Errance Rénaldienne? Est-ce que c'est cérébral? Est-ce que c'est physique? Physique? Oui. Oh. OK. Qu'est-ce qu'on dit donc? Merci, monsieur. Vous allez continuer de nous écouter? Oui. OK. Alors, bonne soirée. Oui. OK. Bon, alors, hey, on est sauté, puis même nos auditeurs, quelques-uns le sont. Puis, Mme Boisclair, avons-nous Mme Boisclair ici? OK. Est-ce que c'est un chou ou Mme Boisclair? OK. Non, c'est un oiseau. Fait comme Mme Boisclair. Et puis vous, vous écoutez Rance Canadienne? Aimez-vous ça? Aimez-vous ça? Bon. Vous étiez hésitante? On aime ça de même. On place dans le château symbolique de la francophonie le mot sauter. Sexpert. Check it. I'm pulling off your blouse, start tongue kissing you and then I cough in your mouth. Walk in your house and slaughter the mound of your daughter or spouse. Have been snorting an ounce till they're walking on the floor with no falls like a hound. Walk in the fucking ladies room and penetrate a womb while the hooker sprays a perfume, demonstrate a broom. You hoes will choke when you float my boat. My cum will coat your throat like the milk from a goat. Put my notorious dick in between your glorious tits. Wanna know a secret? I'm sucking Victoria's clit. My tongue got you on some state of euphoria shit. Fuck you with my warrior's fist, this who a bitch is screaming like a horror flick. When I put my dick where this bitch's manure sits, I slide through like shit. And all you fucking wenches that love the French kiss, you love the drenching stench of men's piss. You find it adventurous, taking like 10 dicks right inside your appendix. Whip out my Jimi Hendrix. It's my press kit, dead sick, fucking a chick with an asbestos covered breadstick. The sleeves, I'll grab the ass of the neighborhood skis and give a good squeeze, holding your head with both of my hands as you suck. I can snap your fucking neck if you say you ain't down to fuck. Your cunt looks so good and my dick is ready. Ho blow! I'll splatter my scum on your face, I'll be squirting steady. Ho blow! Your cunt looks so good and my dick is ready. Ho blow! I'll splatter my scum on your face, I'll be squirting steady. Ho blow! I'm having crazy adventures with a fucking dirty pair of wenches. Walking in trenches, naked with sick intentions. I'll pimp your fanny in a pair of skimpy panties. Don't give a fuck if you got a cunt or you're a stinky tranny. I'm dead blunt, I need a dripping wet cunt. You easy flirt, I'll look right underneath your skirt. Squirt a drink on you slut so you'll relieve your shirt. Now I can see your pert tits, that'll be dessert. Finger your slip, feel my knuckles hit your clit. I bit your tit, swallow my cock, now spit on my dick. I'm in control when I'm in your hole. Hooker, you better get fucked by me now before your skin is old. Plus your ass gets crooked too, so lay down on the fucking floor so I can get a better look at you. Obey the master, hole. Finger your rancid asshole with that plastic pole. Do as you're told. Your cunt looks so good and my dick is ho-bitty. Ho-blow. I splatter my scum on your face, I'll be squirting steady. Ho-blow. Your cunt looks so good and my dick is ready. Ho-blow. I splatter my scum on your face, I'll be squirting steady. Ho blow! Just a little sample of what's to come in your mouth. Psychological Records. Shout out to Mr. Hyde, the Mad Choppers, Starrett City, Brooklyn, Flatbush, Canarsie, Nonfiction, New Jersey Cats, Missing Links, Queens Cats, Bronx Cats, Staten Island. Fucking world. Fucking world. Jeff Ross! Jeff Ross. Mais à partir du moment où on monte sur scène, oui, on s'expose à tout ça. Oui, mais... Et c'est comme ça, ça fait partie du machin, quoi. Après tes chansons, tu t'en vas en arrière de la scène, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ben, j'ai donné ce que j'ai donné, puis eux, ben... Exactement, j'ai donné ce que j'avais à donner, okay. Et il y en a qui ont pris, il y en a qui ont laissé, c'est ça, c'est apprendre ou à laisser, c'est très bien comme ça. OK, puis tu te sentais à l'aise durant les chansons que tu faisais? Oui. OK. Oh, oui, moi, non, mais moi, j'assume ce que je fais complètement. Oh, oui, voilà. Oh, oui, c'est ça. Bien, sinon, je ne sais pas comment on va jusqu'au bout. Ouais, je sais pas comment on va jusqu'au bout d'un concert si on ne si le sent pas. Enfin, c'est impossible. Et là, tu prépares tranquillement un tour de chant. Ah, ouais. Avec plusieurs, ou ben, ça dépend si c'est un spectacle de 30 minutes ou de ce voilà, que ça dépend de où c'est. Quand c'est une demi-heure, 20 minutes, ça peut arriver dans des festivals seuls. Je peux y aller seul, ça dépend. Mais là, cet été, c'est... Est-ce que non, tu... rien. Okay. Cet été, rien. Okay. C'était trop court. Tu te prépares pour l'automne, ouais, c'est ça? Okay. Ouais. Pour faire un mini-spectacle ou quelque chose... Pas un mini. Quelque chose d'étoffé. un vrai quelque chose qui... Salut, Marc. Ouais, toi? Ça va bien? Oui, bonjour. Là, au retour, je t'ai fait... Ça va? Oui, toi? Ah, messieurs. Je le connais, monsieur, est-ce que c'est possible? C'est Edline, oui, c'est Patrick Edline. Il est écrivain, journaliste de rock. Oui. Est-ce qu'il écrit dans Papa Kenfo? Oui, je ne sais pas s'il écrit encore. Oui, toujours. Ah oui, mais c'est l'autre, mais oui, voilà. Ok.

à part l'animateur Rénal Gagné, il n'y en a pas vraiment, non, d'après vous? J'écoute. Oui. Et j'entends. Vous écoutez et vous entendez. Oui. Alors, c'est tout à fait extraordinaire. C'est le but de l'émission. Mais je comprends rien. Oh. Gaétan, il comprend rien. Ben là, s'il comprend pas, mets-lui des écouteurs. Hein? Pardon? S'il comprend pas, oui. Mets-y des écouteurs. Y a-tu une traductrice ici, là? Ben, il y a Rachel. Rachel. Rachel. Est-ce que tu peux traduire? Oui. Il dit, s'il ne comprend pas... Merci de vous mettre devant le micro. Merci à vous, M. Grenier. Merci. S'il ne comprend pas, oui, qu'il se mette... Oh, non, OK, merci. Non, c'est poli, oui. Qu'il se mette... Oui. Des écouteurs. Oh, OK. OK. OK. OK. Écouteur. Écoute l'écouteur. Oui, j'écoute. Êtes-vous là? Oui, je suis là. Entendez-vous? Non, j'écoute. OK. Entendez-vous? Non, j'écoute. Mais si vous écoutez, vous entendez? Non, j'écoute. Bon. Le moment s'invite à nous. On s'excuse. Minuit, le chien. Il n'y a pas minuit, là. Il est quelle heure? 1h22, c'est l'heure solennelle où le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Attention, 1, 2, 3. Allons, séchoir. C'est quoi ça? C'est un séchoir. Oh mon Dieu, on l'a jamais fait. À chaque fois, on le fait. On n'est pas original. On l'a jamais dit qu'on était original. On veut pas. Amen. Non. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation. Le couloir, oui. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Vas-y, Ariane. Oui, j'arrive. Ariane, êtes-vous prête? Je suis tout à fait prête. Comment? Je suis tout à fait prête. Oui. Prête. J'ai le cheveu prêt. Oui. J'ai le corps prêt. Oh, et propre. Propre et prêt. C'est vous qui allez lire? Oui, s'il vous plaît. Vous avez le... Je l'ai. En bouche. S'accrocher à la lumière? Oh, vous avez... Oui, c'est la mèche, OK, du cheveu devant l'œil qui me fait tétiller de l'iris. Oh, j'ai eu peur. Ça fait toujours tétiller de l'iris, la mèche. Hier, toujours hier, hein? Oui, mais avant l'émission, une journée avant l'émission, moi, je me prépare intellectuellement et d'une manière esthétique. Oui. Et j'ai dit à ma coiffeuse... Oh, la coiffeuse batteuse. Ma coiffeuse batteuse lui dit une coupe à la Sagan. Oh, mon... À la scie? Non, à la Sagan, la Françoise. Françoise Sagan. Ça vous a coûté cher? Ah, la peau des fesses. Je me suis ruiné. Comme Françoise. À ma mort, je devrais des millions et des millions. Oh! Mes enfants payeront des années et des années. Oh! Ma progéniture également. Oh! Même mon chien, Rataplan. Oh non! Qui est encore vivant. Oui. Et qui ne le sera plus après ma mort. Pourquoi? Ben parce que la frange à la Sagan. Oui. C'est très excitant. C'est très extravagant. Mais c'est très cher, hein? Oh! Tellement de haut de gamme, là. J'allais dire un anglicisme. Ah, allez-y. Non. Je torture tellement la langue française à cette émission que je ne veux pas en plus amener un anglicisme que je sais de cet acalbie et qui pourrait m'amener la foudre de l'OLF. Qui? L'OLF. L'OLF. L'OLF. Ah non, c'est pas... C'est un objet... Nul. ONF. Non, c'est OLF. OLF. Objet lent fabriqué. Non, c'est... Ah, ça pourrait être bon. C'est excellent, ça. Bravo. On va poser nos séchoirs. On va l'applaudir. Bravo. Mais c'est pas ça. OLF. OLF. Office de la langue française. Hein? Office de la langue française. OLF. Oh! Imaginez-vous que votre rénal gagné que vous entendez. Oh, que je ne vois pas. Heureusement pour vous. Mais si vous nous visionnez sur le site officiel de l'errance rénaldienne, vous tapez sur goggle.fr, errance rénaldienne, vous allez voir les vidéos. Il y a 2600 vidéos, du plaisir à volonté. Vous allez en avoir plein le castoulet. Et donc, j'ai déjà travaillé à l'OLF, à l'Office de la langue française. Oui, madame, j'ai épuré deux glossaires. Oui, c'est glossaire atomique tome 1, glossaire atomique tome 2. Alors, mon contrat était de 6 mois. Il a été renouvelé par la suite. Pour le glossaire 2. Oh mon Dieu, il n'a pas fait un glossaire 3? Non. Non, c'était atomique, donc ça a sauté. L'idée a sauté. Ils n'ont plus une scène, puis j'étais trop compétitif. Oh mon Dieu! Compétitif, c'est un mot qu'on ne dit pas souvent ici. Non. Compétitif, dans le sens de con. S'accrocher à la lumière comme un veilleur de nuit. Pour attendre à son écartons la sombre histoire de ce veilleur de nuit. Tirons les rideaux sur l'énonciation qui se pointera à l'horizon, puisque, comme au théâtre, le rideau tombera. Et l'histoire s'achèvera. S'achève. Est-ce que... Je me questionne encore aujourd'hui. Oui, on sent la question. Oui. La réponse viendra-t-elle? Tu t'es étouffé? J'ai passé à un cheveu et demi de m'étouffer. Mais je connais le sigle de la respiration auto-satisfaisante. Oui. C'est-à-dire que quand je sens que je vais m'effondrer, ouais. Je me substitue à moi-même. Et monsieur, c'est cher ça? Non, c'est difficile. OK. Et je tente de me réanimer moi-même. Ah, en faisant quoi? Rien. Hey, c'est fort. C'est très, très, très, très, très, très fort. Madame Tremblay, essayez pas ça. Monsieur Thibodeau, faut être expert. Ça m'a pris 2 minutes et 35 secondes. Juste assez pour éteindre mon cerveau qui n'est jamais allumé. Donc, c'était la veilleuse. De la mettre à 0,18. Ça, c'est une lumière assez faible, même très faible, tellement faible qu'une mouche s'y frappa. Oh mon Dieu! Et devant cette atroce vision, devant ce bourdon saignant. Ah mon Dieu! Mais mon bourdon? Oui. Je le mange pas saignant. Voyons donc. Non, non, moi je le prends bien cuit. Comment ça? Ben ça me pique. Ça me pique quoi? Ça me pique la bouche. Oh! Là, j'ai la papille qui n'est plus gustative. Elle est quoi? Elle est sous l'influence d'un dard. Le dardard. Ah mon Dieu! C'est comme le steak dardard. Non, c'est le steak tartare. Ah. Il est quelle heure, là? Il est 1h20. 1h28. Oh, il est tard. Hey, on la sentait venir. Bon, on la sent, hein? On la sent venir, la radio. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un

comme à la radio, nous devons nous quitter. Merci à Chloé Mons. On se retrouve la semaine prochaine avec M. Blanchy, Alex Blanchy, que je vais vous présenter avec grand bonheur, un être extraordinairement agréable et vous entendrez tout ça dans quelques dodos. Sinon, bien, vous pouvez m'écrire à Rénal Québec en commercial@hotmail.com, sur Facebook, vous tapez Rénal Gagné, vous pouvez être membre d'Errance Rénaldienne, c'est tout à fait simple. Merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine et soyons heureux. Daily rotten in Alcatraz. Daily rotten in Alcatraz. Daily rotten in Alcatraz. 7 a.m. morning wake bell. 7:20 count bell. 7:30